Samantha trésori du na komi lokola mbisi azwa mina ndobo balali moso na monio Samantha charmante Samantha oh que c'est doux ton nom venant de l'Asie ma terre Asie historique tu m'as conquis moi enfant de l'Afrique. Thank you. Jamaïque. Est-il te dit d'aimer une fille du Gabon? Est-il te dit d'aimer une fille de la Guadeloupe?